Section 8 de Poésies allemandes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. Poésies allemandes traduites par Gérard de Nerval. Schiller, poème 13 à 18. La bataille. Tel qu'un nuage épais et qui porte une tempête, la marche des troupes retentit parmi les vastes campagnes. Une plaine immense s'offre à leurs yeux. C'est là qu'on va jeter les dés des reins. Tous les regards sont baissés, le cœur des plus braves palpite, les visages sont pâles comme la mort. Voilà le colonel qui parcourt les rangs. Halte ! Cet ordre brusque enchaîne le régiment qui présente un front immobile et silencieux. Mais qui brille là-bas sur la montagne aux rayons pourprés du matin? Voyez-vous les drapeaux ennemis? Nous les voyons, que Dieu soit avec nos femmes et nos enfants. Entendez-vous ces chants, ces roulements de tambours et ces fifres joyeux, comme cette belle et sauvage harmonie pénètre tous nos membres et parcourt la moelle de nos os? Frères, que Dieu nous protège, nous nous reverrons dans un autre monde. Déjà, un éclair à lui, le long de la ligne de bataille, un tonnerre sourd l'accompagne, l'action commence, les balles sifflent, les signaux se succèdent, ah, l'on commence à respirer. La mort plane, le sort se balance, indécis, les dés des reins sont jetés au sein de la fumée ardente. Voilà que les deux armées se rapprochent. « Garde à vous » crie-t-on de peloton en peloton. Le premier rang plie le genou et fait feu. Il en est qui ne se relèveront pas. La mitraille trace de longs vides. Le second rang se trouve le premier. À droite, à gauche, partout la mort. Que de légions elle couche à terre. Le soleil s'éteint, mais la bataille est tout en feu. La nuit sombre descend enfin sur les armées. Frères, que Dieu nous protège, nous nous reverrons dans un autre monde. De toutes parts le sang jaillit. Les vivants sont couchés avec les morts. Le pied glisse sur les cadavres. Et toi aussi, Franz? Mais adieu à ma Charlotte, amie. La bataille s'anime de plus en plus. Je lui porterai, ô camarade, vois-tu derrière nous pétiller la mitraille? Je lui porterai tes adieux. Repose ici. Je cours là-bas où il pleut des balles. Le sort de la journée est encore douteux, mais la nuit s'épaissit toujours. Frères, que Dieu nous protège, nous nous reverrons dans un autre monde. Écoutez, les adjudants passent au galop, les dragons s'élancent sur l'ennemi et ses canons se taisent. Victoire, camarades! La peur s'est emparée des lâches et ils jettent leurs drapeaux. La terrible bataille est enfin décidée, le jour triomphe aussi de la nuit. Tambours bruyants, fifres joyeux, célébrez tous notre victoire. Adieu, frères, que nous laissons. Nous nous reverrons dans un autre monde. La caution. Méros cache un poignard sous son manteau et se glisse chez Denis de Syracuse. Les satellites l'arrêtent et le chargent de chaînes. Qu'aurais-tu fait de ce poignard? Lui demande le prince avec fureur. J'aurais délivré la ville d'un tyran. Tu expieras ce désir sur la croix. Je suis prêt à mourir, et je ne demande point ma grâce. Mais daigne m'accorder une faveur. 3 jours de délai pour unir ma sœur à son fiancé. Mon ami sera ma caution, et si je manque à ma parole, tu pourras te venger sur lui. Le roi se mit à rire, et après un instant de réflexion, répondit d'un ton moqueur, « Je t'accorde 3 jours, mais songe que si tu n'as pas reparu, ce délai expiré, ton ami prend ta place et je te tiens quitte. » Méros court chez son ami. « Le roi veut que j'expie sur la croix ma malheureuse tentative. Cependant, il m'accorde 3 jours pour assister au mariage de ma sœur. Sois ma caution auprès de lui jusqu'à mon retour. » Son ami l'embrasse en silence et va se livrer au tyran tandis que Méros s'éloigne. Avant la 3e aurore, il avait uni sa sœur à son fiancé. Il revenait déjà en grande hâte pour ne pas dépasser le délai fatal, mais une pluie continuelle entrave la rapidité de sa marche, les sources des montagnes se changent en torrents et des ruisseaux forment des fleuves. Appuyé sur son bâton de voyage, Méros arrive au bord d'une rivière et voit soudain les grandes eaux rompre le pont qui joignait les deux rives et en ruiner les arches avec le fracas du tonnerre. Désolé d'un tel obstacle, il s'agite en vain sur les bords, jette au loin d'impatients regards, point de barque qui se hasarde à quitter la rive pour le conduire où ses désirs l'appellent, point de batelier qui se dirige vers lui, et le torrent s'enfle comme une mer. Il tombe sur la rive et pleure en levant ses mains au ciel. Jupiter aplanit ses eaux mugissantes. Le temps fuit, le soleil parvient à son midi. S'il va plus loin, j'arriverai trop tard pour délivrer mon ami. La fureur des vagues ne fait que s'accroître. Les eaux poussent les eaux et les heures chassent les heures. Méros n'hésite plus, il se jette au milieu du fleuve irrité, il lutte ardemment avec lui. Dieu lui accorde la victoire. Il a gagné l'autre rive, il précipite sa marche en rendant grâce au ciel, quand tout à coup, du plus épais de la forêt, une bande de brigands se jette sur lui, avide de meurtre, et lui ferme le passage avec des massues menaçantes. Que me voulez-vous? Je ne possède que ma vie, et je la dois au roi, à mon ami que je cours sauver. Il dit, saisit la massue du premier qui l'approche, trois brigands tombent sous ses coups, et les autres prennent la fuite. Le soleil est brûlant, Méros sent ses genoux se dérober sous lui, brisé par la fatigue. Ô toi qui m'as sauvé de la main des brigands et de la fureur du fleuve, me laisseras-tu périr ici en trahissant celui qui m'aime? Qu'entends-je? Serait-ce un ruisseau que m'annonce doux murmure? Il s'arrête, il écoute, une source joyeuse et frétillante a jailli d'un rocher voisin. Le voyageur se baisse, ivre de joie, et rafraîchit son corps brûlant. Et déjà le soleil, en jetant ses regards à travers le feuillage, dessine le long du chemin les formes des arbres avec des ombres gigantesques. Deux voyageurs passent, Méros les devance bientôt, mais les entend se dire entre eux « À cette heure, on le met en croix. » Le désespoir lui donne des ailes, la crainte l'aiguillonne encore. Enfin, les tours lointaines de Syracuse apparaissent aux rayons du soleil couchant. Il rencontre bientôt Philostrate, le fidèle gardien de sa maison, qui le reconnaît et frémit. « Fuis donc, il n'est plus temps de sauver ton ami, sauve du moins ta propre vie. » En ce moment, il expire. D'heure en heure, il t'attendait sans perdre l'espoir, et les railleries du tyran n'avaient pu ébranler sa confiance en toi. Eh bien, si je ne puis le sauver, je partagerai du moins son sort. Que le sanguinaire tyran ne puisse pas dire qu'un ami a trahi son ami, qu'il frappe deux victimes et croit encore à la vertu. Le soleil s'éteignait quand Méros parvient aux portes de la ville. Il aperçoit l'échafaud et la foule qui l'environne. On enlevait déjà son ami avec une corde pour le mettre en croix. « Arrête, bourreau, me voici, cet homme était ma caution. » Le peuple admire, les deux amis s'embrassent en pleurant, moitié douleur et moitié joie. Nul ne peut être insensible à un tel spectacle. Le roi lui-même apprend avec émotion l'étonnante nouvelle et les fait amener devant son trône. Longtemps, il les considère avec surprise. Votre conduite a subjugué mon cœur. La foi n'est donc pas un vain mot. J'ai à mon tour une prière à vous adresser. Daignez m'admettre à votre union et que nos trois cœurs n'en forment plus qu'un seul. Désir. Ah, s'il était une issue pour m'élancer hors de ce vallon où pèse un brouillard glacé, quelle serait ma joie? Là-bas, j'aperçois de riantes collines, décorées d'une jeunesse et d'une verdure éternelle. Oh, si j'étais oiseau, si j'avais des ailes, je m'en irais là-bas, sur ces collines. D'étranges harmonies viennent parfois retentir à mon oreille, échappées des concerts de ce monde enchanté. Les vents légers m'en apportent souvent de suaves parfums. J'y vois briller des fruits d'or au travers de l'épais feuillage, et des plantes fleuries qui ne craignent rien des rigueurs de l'hiver. Ah, que la vie doit s'écouler heureuse sur ces collines dorées d'un soleil éternel, que l'air y doit être doux à respirer. Mais Les vagues furieuses d'un torrent m'en défendent l'accès, et leur vue pénètre mon âme d'effroi. Une barque, cependant, se balance près du bord, mais hélas, point de pilote pour la conduire. N'importe, entrons-y sans crainte, ses voiles sont déployées. Il faut espérer, il faut oser, car les dieux ne garantissent le succès d'aucune entreprise, et un prodige seul peut me faire arriver dans ce beau pays des prodiges. Colombe, courage, brave navigateur, la raillerie peut attaquer tes espérances, les bras de tes marins peuvent tomber de fatigue. Va toujours, toujours au couchant. Ce rivage que tu as deviné, il t'apparaîtra bientôt dans toute sa splendeur. Mets ta confiance dans le Dieu qui te guide et avance sans crainte sur cette mer immense et silencieuse. Si ce monde n'existe pas, il va jaillir des flots exprès pour toi, car il est un lien éternel entre la nature et le génie, qui fait que l'une tient toujours ce que l'autre promet. La grandeur du monde. Je veux parcourir avec l'aile des vents tout ce que l'Éternel a tiré du chaos, jusqu'à ce que j'atteigne aux limites de cette mer immense et que je jette l'ancre là où l'on cesse de respirer, où Dieu a posé les bornes de la création. Je vois déjà de près les étoiles dans tout l'éclat de leur jeunesse, je les vois poursuivre leur course millénaire à travers le firmament pour atteindre au but qui leur est assigné. Je m'élance plus haut, il n'y a plus d'étoiles. Je me jette courageusement dans l'empire immense du vide. Mon vol est rapide comme la lumière. Voici que m'apparaissent de nouveaux nuages, un nouvel univers et des terres et des fleuves. Tout à coup, dans un chemin solitaire, un pèlerin vient à moi. Arrête, voyageur, où vas-tu ? Je marche aux limites du monde, là où l'on cesse de respirer, où Dieu a posé les bornes de la création. Arrête, tu marcherais en vain. L'infini est devant toi. Ô ma pensée, replie donc tes ailes d'aigle, et toi, audacieuse imagination, c'est ici, hélas, ici, qu'il faut jeter l'ancre. Adieu au lecteur. Ma muse se tait et sent la rougeur monter à ses joues virginales. Elle s'avance vers toi pour entendre ton jugement, qu'elle recevra avec respect, mais sans crainte. Elle désire obtenir les suffrages de l'homme vertueux, que la vérité touche, et non un vain éclat. Celui qui porte un cœur capable de comprendre les impressions d'une poésie élevée, celui-là seul est digne de la couronner. Ces chants auront assez vécu si leur harmonie peut réjouir une âme sensible, l'environner d'aimables illusions et lui inspirer de hautes pensées. Ils n'aspirent point aux âges futurs. Ils ne résonnent qu'une fois sans laisser d'écho dans le temps. Le plaisir du moment les fait naître et les heures vont les emporter dans leur cercle léger. Ainsi le printemps se réveille. Dans tous les champs que le soleil échauffe, il répand une existence jeune et joyeuse. L'aubépine livre au vent ses parfums. Le brillant concert des oiseaux monte jusqu'au ciel. Tous les sens, tous les êtres partagent la commune ivresse. Mais dès que le printemps s'éloigne, les fleurs tombent à terre, fanées, et pas une ne demeure de toutes celles qui l'avaient fait naître. Fin de la section 8.